Un jour y a bio, pardon, mais qu'a bio très effant tous. Un jour y a bio, pardon, mais hélas, qu'a bio très effant tous. Loup pipichou de tout et demande à bas des lâches. Loup pipichou de tout et hélas, demande à bas des lâches. Soum peda in coulena, loup jite din loup fioc. Son pédain coulait d'un hélas, loup j'étais digne, loup fiot. Loup plus grande de toutes, la net loup rétida. Loup plus grande de toutes, hélas, la net loup rétida. Ananaïsé m'était dit, notre maître laïes. Ananaïsé m'était dit, hélas, notre maître laïes. Ananaïsé m'était dit, rencontrer Jésus. Ananaïsé m'était dit, hélas, rencontrer Jésus. Réveillez-vous, angéteurs, belle affaire et béni. Réveillez-vous, angéteurs, hélas, belle affaire et béni. Alors, parfois, c'est maintenant. Relève-toi, Marie, va nourrir tes enfants. Relève-toi, Marie, hélas, va nourrir tes enfants. Puissance de, je te donne, puissance pour ces temps. Puissance, je te donne, hélas, puissance pour ces temps. Au bout de cette année, tes enfants seront grands. Au bout de cette année, hélas, tes enfants seront grands. Tu aides Caredos et Seras. Tu aides Caredos et hélas, Caredos et Seras. Et ça finit comme ça. Elle revient. Après 7 ans, elle doit revenir au cimetière. Hein.